Nous sommes avec Safa Chebbi, qui est présidente d'Alternative, membre du collectif Décolonial pour une dignité politique, et bien d'autres choses dont vous allez parler aujourd'hui. Je vais vous laisser vous Oui, bonjour. introduire vous-même. Bonjour et merci beaucoup pour cette invitation. En tout cas, je pense que vous avez déjà fait quelques implications et voilà, je pense on aura le temps d'en parler. Mais ça représente, je dirais, le principal, c'est que je suis une militante antiraciste et décoloniale. Je voulais lire aujourd'hui le texte de Pour une dignité politique. Par contre, comme c'était un peu accidenté depuis le début de mon émission, j'ai pas eu le temps. Mais je vous conseille fortement d'aller sur Internet et de le lire vous-même, qui est Pour une dignité politique. Est-ce que vous pouvez me parler du contexte et de la création de ce collectif? Oui, en fait, ce groupe, c'est le fruit d'une réflexion de quelques personnes, en fait, qu'on s'est réunies autour de ce projet et des conclusions à travers d'autres expériences dans des milieux militants différents. Et on a trouvé comme conclusion, en fait, qu'il manquait toujours quelque chose dans chaque implication, même si on continue à lutter, bien sûr, à l'intérieur de ces milieux. Il y avait toujours qui manque, c'est vraiment une perspective décoloniale et radicale. C'est pour ça qu'on a voulu créer quelque chose qui amène cette dimension plus en avant par rapport à toutes les luttes auxquelles on continue à militer, bien évidemment, et pour amener vraiment cette dimension à travers des réflexions, à travers des écrits, à travers des événements. On le voit comme un espace de politisation et d'auto-organisation politique, en fait. Et ça apparaît dans un contexte où le racisme et l'islamophobie au Québec est particulièrement intense. Oui, en fait, il y avait plusieurs éléments et ça fait maintenant, je pense, un an. Oui, en tout cas, ça fait quelques des mois, mais en tout cas, c'était pendant que la. Oui, je pense que ça fait déjà un an. Lorsque la CAQ, bien évidemment, vient juste d'être élue et a commencé à annoncer vraiment ses projets de loi. Et ses perspectives électorales et tout. Sans oublier, bien évidemment, aussi avec ce qui se passait au niveau fédéral par rapport aux disparités, en tout cas au niveau racial, à plusieurs niveaux, en fait. Quels sont les fondements, parce que le texte que je voulais vous lire, vous en parlez quand même abondamment des fondements de votre collectif, mais comment vous en parlerez? Comment vous définiriez les bases de votre collectif? En fait, je dirais que par exemple, parce que là, en fait, quand on a créé ce collectif, on a fait comme c'est comme notre déclaration de naissance, disons. C'est comme une sorte de manifeste qui définit un peu nos lignes politiques. Et on se définit d'abord comme le sud dans le nord. Donc, je pense que c'est un élément très important. Parce que finalement, il y a plusieurs personnes qui, même s'ils sont nés ici, ils restent toujours associés à leur pays d'origine. On a vu ça même avec la deuxième génération et d'autres, à travers les chiffres, on le voit clairement, ils subissent toujours les mêmes discriminations. Et que finalement, même si on n'est pas vraiment du sud de façon directe, parce que le fait de vivre ici au nord, ça reste, on bénéficie d'une façon ou d'une autre de certains privilèges, mais il y a un autre niveau racial qui s'impose, en tout cas au niveau du nord, qu'on essaye de l'amener et de l'ajouter dans l'analyse critique qu'on fait par rapport au système de façon générale. Aussi, on aimerait amener, ne pas se limiter uniquement au Québec, au Canada, d'essayer de voir un peu les mécanismes des inégalités de façon générale, de façon globale. Parce qu'il y a toujours ce rapport nord-sud qu'on le voit avec les discriminations, avec les rapports d'inégalité, avec les politiques étrangères, avec pas mal d'autres choses. Et Voilà, je pense que, en gros, c'est ça, mais peut-être on pourrait peut-être développer par la suite avec certains d'autres points. Oui. Vous êtes situé ici, comme nous, en territoire occupé, colonisé, des peuples autochtones. Comment vous voyez l'articulation entre votre collectif et la résistance des peuples autochtones? Oui, ça c'est un point très important. En fait, c'est pour ça que dans notre manifeste, on mentionne ça parce que, voilà, d'une part, c'est que bien sûr, il ne faudrait pas considérer comme ces groupes non-blancs, en fait, parce qu'ils s'identifient comme un groupe non-blanc. Mais ça n'empêche pas, bien évidemment, la participation de personnes blanches dans ce groupe, ce qui n'est pas le cas, mais plus une condition sociale qui est spécifique aux personnes non-blanches. Et dans notre manifeste, en fait, ce qu'on reconnaît aussi, ce qu'on trouve qui est important, c'est que on se considère que nous sommes aussi, même si nous sommes des personnes non blanches, mais nous sommes aussi des complices silencieux et démunis, silencieux, qui assistent à la colonisation des territoires des peuples autochtones, ainsi qu'à leur génocide culturel et physique. Donc, on contribue, en fait, d'une façon ou d'une autre à cette continuité coloniale, on le veuille ou pas. Je pense que c'est important que de nous aussi, en tant que personnes non blanches, immigrantes, notre part dans cette réalité, dans le renforcement de cette condition sociale spécifique aux personnes autochtones. Mais à la fois, on reste aussi les subalternes comme de la suprématie blanche. Donc, et c'est clair que c'est important que les personnes non blanches reconnaissent vraiment ce rapport pour nous. Donc, vous travaillez beaucoup sur cette dimension-là. Vous avez aussi, l'année passée, organisé la projection du film sur Frantz Fanon. Est-ce que vous pouvez nous parler du lien que vous entretenez avec Frantz Fanon, mais aussi avec la décolonisation en général? Oui, en fait, on a commencé vraiment comme événement officiel qu'on a organisé. C'était avec Frantz Fanon, c'est la projection d'un film qui projette un peu son parcours politique et partage aussi d'autres expériences dans le Sud de façon générale, comment des groupes ils continuent jusqu'à aujourd'hui à militer, à lutter, en s'inspirant encore de la pensée fanonienne. En tout cas, pour nous, bien sûr, Frantz Fanon, c'est un penseur indispensable pour une pensée décoloniale, parce que on trouve qu'il explique très bien. En tout cas, il propose vraiment une grille d'analyse assez intéressante pour les colonisés, à comprendre c'est quoi les effets de la colonisation sur nous, à plusieurs niveaux, vraiment, au niveau psychologique, et à quel point on peut finir aussi par internaliser un peu ces rapports et les reproduire par la suite. Donc, c'est comme Frantz Fanon, il nous offre vraiment une possibilité d'être conscient de ces mécanismes et d'aller au-delà de cette perspective, en fait. Et en continuant là-dessus, je ne sais pas si c'est directement lié au collectif décolonial pour une dignité politique, mais vous organisez la présentation d'une autre conférence le 16 novembre, le samedi 16 novembre, avant l'Assemblée générale d'organisation alternative de Normand Hajary. Oui, en fait, Normand Hajary, peut-être pour revenir d'abord. C'est vraiment parmi les penseurs, parce que c'est vraiment un penseur, un philosophe aussi décolonial, qui nous a appuyés comme groupe politique. Et au début de notre événement de Frantz Fanon, d'ailleurs, il nous a partagé un message de sa part pour soutenir ce groupe et la pertinence d'avoir ce genre de groupe, parce que Normand Hajary, en fait, ce qui est intéressant par rapport à sa pensée, par rapport à notre groupe, c'est qu'il développe vraiment la notion de la dignité dans son livre et sa pertinence vraiment dans la lutte d'aujourd'hui, en fait. Il essaye vraiment de remettre un peu en question la conception un peu dominante de ce que c'est vraiment la dignité. Et en fait, il montre que c'est à quel point c'est politiquement c'est important vraiment de continuer en fait à lutter tout en utilisant en fait la dignité et continuer à s'affirmer notre part de l'humanité et de dignité en fait dans les luttes. Donc en fait, c'est pas nous qu'on organise directement cet événement. C'est vraiment ça va être organisé par Alternative dans le cadre de son assemblée générale. Mais clairement, Normand Jarry, c'est un penseur qui nous inspire beaucoup, en tout cas dans notre lutte, et qui est important, qui amène aussi une contribution très importante dans la réflexion décoloniale. Ça nous amène aussi à questionner qu'est-ce que c'est que la dignité? Comment vous définissez en tant que collectif qui porte ce nom-là? Et aussi en relation aussi avec les idées de Normand Jarry. Oui. En fait, le nom de notre collectif, c'est pour une dignité politique. En fait, ce qu'on essaye de faire, c'est de politiser la dignité. Parce que la dignité, on a l'impression, c'est comme si un concept très abstrait et qui n'a pas beaucoup de sens politique, surtout. Donc, nous, en fait, on trouve que tout combat que les descendants, en tout cas décolonisés, de façon générale, leur combat, finalement, c'est un combat de dignité. Normand Jarry, vraiment, fait plus une chronologie, en tout cas, une analyse, en fait, des différentes luttes, surtout des Noirs. Mais nous, en fait, on parle, bien évidemment, même si on peut dire aussi que Normand Jarry ne limite pas la condition noire de façon... fait fixe, mais ça élargit un peu l'identité noire aussi autrement. Et pour nous, en fait, que chaque groupe colonisé, en tout cas, il a résisté, comme on peut dire aussi, bien évidemment, avec les autochtones qui continuent aujourd'hui à résister. Et c'est un combat, tout ce qu'ils font aujourd'hui et continuent à faire, c'est un combat pour la dignité. Et en fait, cette dignité, en fait, elle nous permet vraiment de s'affirmer en fait politiquement et surtout de valoriser un peu notre histoire et notre contribution aux luttes de façon générale, parce que quand on voit le discours dominant dans les sociétés d'aujourd'hui, on parle plus, c'est un discours bien évidemment qui est le discours dominant qui raconte un peu l'histoire, mais c'est important de raconter aussi l'histoire et de la résistance d'autres groupes qui ont résisté, en tout cas face à la colonisation, et d'amener leur version, en fait, qui affirme leur dignité, en fait. Pour ceux et celles qui ne le sauraient pas, nous sommes avec Safa Chebbi, du collectif pour une dignité politique, ainsi que présidente d'Alternative, militante antiraciste, anticoloniale, et bien d'autres choses. Donc, je pense qu'on va faire une pause musicale et puis on va revenir ensemble après. Ça vous va? Parfait. Nous sommes de retour avec Safa Chebbi. Allô? Oui. Oui, OK. Votre téléphone fait des drôles de bruit. Okay. En tout cas, je vous entends bien. OK, c'est parfait. Donc, on pourrait aussi parler, parce que vous avez signé une lettre en appui à... aux gens de Kanesetake, aux Ganengeaga, Mohawk, comme on les appelle souvent. Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des détails de ce que vous avez signé comme appui? Ce qu'on voulait... En fait, il y avait, je pense que peut-être pour expliquer un peu le contexte, parce que cette lutte, c'est une continuité finalement à toute la résistance de la crise, ce qu'on appelle la crise d'Oka, en tout cas. Et aujourd'hui, l'expansion immobilière continue encore sur ces territoires. Et il n'y a pas eu réellement une vraie négociation ou sérieuse négociation en fait pour avec le peuple concerné en fait. Donc il y avait un militant en fait, un militant et un membre de la communauté Kaninikahaka qui s'appelle Al Harrington, qui a entamé une grève de faim qui a été suspendue en tout cas depuis quelques jours, mais pour exprimer en fait, sont le désaccord de cette communauté par rapport à cette expansion. Donc nous, en fait, on soutenait vraiment toute la résistance qui s'organise autour de cette lutte. Et ce qu'on voulait surtout dire, peut-être à travers notre message, c'est vraiment c'est que ce qui se passe aujourd'hui, on a l'impression que on donne l'impression, en tout cas le gouvernement fédéral, il donne toujours l'impression que il est en train de faire plusieurs mesures de reconnaissance. Il est en train aussi de donner les droits de plus en plus aux peuples autochtones, ce qui n'est pas finalement réel en réalité, parce que ce qu'il faut vraiment leur donner, c'est vraiment l'autonomie à gérer leur propre territoire à leur façon, à leur propre conception. Et donc nous, en tout cas, on soutient vraiment la nation Mohawk par rapport à cette lutte, et on voulait aussi on a essayé de faire aussi comme une mise en contexte historique par rapport à cette lutte, parce que c'est pas une lutte qui commence aujourd'hui, elle a commencé depuis très longtemps, depuis l'occupation de ces territoires et après d'autres luttes jusqu'à la crise de ce qu'on appelle la crise de Doka, et aujourd'hui qui continue avec la grève de faim et d'autres luttes, parce que c'est pas fini, mais ils vont continuer à s'exprimer autrement, en tout cas par d'autres moyens de résistance. Ça, c'est pas directement lié du tout, mais dans le contexte du racisme et de la suprématie blanche au Québec, il y a toute l'islamophobie qui est galopante, on pourrait dire, qui existe un peu partout en ce moment, et je sais que ça vous touche aussi plus particulièrement. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'islamophobie et de la résistance qui a lieu en ce moment contre celle-ci? Oui, en fait, c'est vrai que... Si on parle de clamophobie, c'est clair que ça, c'est une forme de racisme qui évolue, qui continue à évoluer sous plusieurs formes, en tout cas aujourd'hui. Et comme Franz Fanon le dit, le racisme, en fait, il s'adapte selon les rapports de force et il se mute, en fait, il change de forme. Donc, il y avait d'autres formes qui sont peut-être violentes, plus violentes avant. Aujourd'hui, c'est difficile peut-être parfois de les voir, mais on voit que aujourd'hui, surtout depuis l'arrivée de la CAQ au pouvoir, on voit des lois qui vraiment discriminent et écartent de façon très claire des groupes, et spécifiquement des groupes qui portent des signes religieux visibles. Et on a vu avec la loi qui a été adoptée, la loi 21, qu'on a appelée la loi de laïcité de l'État, que je mettrai entre guillemets, bien évidemment, qu'elle ciblait bien spécifiquement les femmes voilées enseignantes. Parce que si on voit cette loi, comment elle est... on parle des positions de pouvoir, pouvoir de coercition... Mais finalement, si on voit réellement qui sont les personnes qui portent un signe religieux dans ces positions, il n'y en a pas d'autres que les femmes musulmanes, et spécifiquement dans l'enseignement. Donc on trouve que vraiment, on passe à une autre étape beaucoup plus grave, parce que non seulement on adopte des lois qui discriminent et qui écartent de façon très claire un certain groupe, mais aussi, ces lois ne sont pas autant précises, donc ça laisse beaucoup de flou autour des mesures d'application de ces lois, et qui donnent beaucoup de pouvoir aux personnes qui ont un problème finalement avec le voile de façon directe. Finalement, si tu es une personne qui a un problème avec le voile, tu peux choisir les mesures qui vous plaisent, en tout cas, et appliquer ce que vous voulez sans aucune limite, en fait. Qu'est-ce que vous attendez de la population dite québécoise par rapport à tout ça? Parce qu'on parle de votre résistance, mais aussi c'est l'importance de la résistance en général. Et qu'est-ce que vous attendez des autres, que ce soit les Québécois francophones blancs et les autres personnes qui vivent ici, dans cette lutte importante contre le racisme, le colonialisme, l'islamophobie? Je pense... En tout cas, si on parle par rapport à cette loi, je ne sais pas, peut-être, en tout cas si on parle spécifiquement par rapport à cette loi, on voit quand même quelques voix qui un peu dénoncent cela, mais on voit également une résistance à associer ce genre de loi au racisme, qui est, à mon avis, limité, en tout cas, parce que je pense qu'on ne peut pas combattre quelque chose si on n'est pas capable de le nommer. Et c'est important, en fait, juste de voir l'acte et direct sur la personne. Finalement, c'est les mêmes mécanismes, c'est les mêmes manifestations d'une loi raciste, en fait. Donc, mais bon, la résistance, en tout cas, ça continue. C'est clair que ça, là, on voit aussi que, en tout cas, je pense que peut-être ce que je peux critiquer aussi, c'est que finalement, c'est perçu comme si c'est un enjeu qui concerne uniquement les musulmans ou les personnes racisées, ce qui n'est pas vrai, parce que c'est un enjeu de société, c'est un enjeu d'égalité. C'est pas lié finalement à la religion, en fait, même si on essaye de le traiter de ce point de vue, mais c'est pas vrai que ça faudrait pas, surtout de le traiter de ce point de vue, parce que si on accepte aujourd'hui, en tout cas, à discriminer ou à enlever certains droits d'un groupe, c'est que par la suite, il faudra pas s'étonner, en tout cas, de voir d'autres groupes qui sont touchés. Sans aucune réaction. En tout cas, on le voit maintenant parce que on a commencé par la loi 21, par la suite la loi 9, après là avec le PEC, avec les étudiants. Là, et ça continue. On ne va pas s'arrêter parce que on commence à ces lois discriminent les groupes. On arrive à la fin. Est-ce que vous pourriez parler des événements à venir ou de qu'est-ce que vous voulez dire avant qu'on conclue? Oui, en fait, moi, j'encouragerais surtout vraiment à la participation à la prochaine conférence de Normand Hajari. Comme on a parlé tout à l'heure, ça va être le 16 novembre à 14h. À l'UQAM, en fait, j'ai pas la salle exactement, mais il suffit d'aller sur la page d'Alternative et vous allez voir l'événement. Ça va être un événement important parce que c'est une première pour Normand Hajari qui sera à Montréal et pour parler de cet enjeu et surtout sur la question de la dignité qu'il développe vraiment très bien dans son livre. Bien, merci beaucoup. Et merci, vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de Pour une dignité politique, où vous retrouvez des articles vraiment super intéressants. Oui, certainement. On va aussi organiser d'autres événements bientôt, mais c'est clair qu'il y a des choses qui s'organisent. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci, bonsoir. Bonsoir. Alors, nous écoutions Safa Chibi, qui est membre du collectif Pour une dignité politique, ainsi que présidente de l'organisation Alternative.